L'Intermarché Florent Lachance de Saint-Prime a tout ce qu'il vous faut pour profiter de l'été au maximum. Un département des viandes de qualité supérieure, supervisé par des maîtres bouchers à l'écoute de vos moindres exigences. Des fruits et légumes gorgés de saveurs à des prix compétitifs et un comptoir de mets cuisinés qui charme les palais les plus fins. L'Intermarché Florent Lachance, agent autorisé SAQ, est fier de commanditer la chronique du club de golf Saint-Prime sur le lac Saint-Jean et souhaite une bonne chronique saison. Chronique du club de golf de Saint-Prime avec notre collaborateur habituel, un des collaborateurs Gilles Larouche. Salut Gilles. Et un autre de nos collaborateurs à danradiosport.com, André Ouellet de UH Clothing. Pourquoi on a invité André? Parce que c'est la classique UH Clothing en fin de semaine. Salut André. Oui, ça va bien. André, on t'a invité. D'abord, on va parler de la classique UH Clothing et par la suite, on va faire une pause et on va revenir avec la chronique habituelle, parler de la Coupe Ryder. UH Clothing, première édition. Pourquoi t'avoir associé au club de golf de Saint-Prime? Écoute, pour moi, c'est un choix logique parce que c'est le club de golf de ma région natale. Je vais quasiment dire ma ville natale. Je suis natif de Saint-Félicien, donc Saint-Prime, évidemment. C'est le club de golf où j'ai grandi, où j'ai appris à jouer au golf. Jonathan Lambert est un très bon ami personnel. Les gars m'ont rencontré là pour UH ou évidemment pour amener le linge là-bas au club de golf dans cette belle relance. Ah ouais. C'est un beau projet de relancer le club de golf de Saint-Prime. C'est super important pour la population. J'étais vraiment très heureux de participer à cette relance-là. Les gars travaillent d'arrache-pied. Gilles, entre autres, félicitations pour la belle été. Jonathan travaille très fort aussi, donc c'était logique pour moi que la première édition de ma classique, la première fois où j'organise un tournoi de golf avec ma compagnie, c'était tout à fait logique que ce soit. Organiser une classique de golf, est-ce que c'est beaucoup de travail? Oui, c'est beaucoup de travail. J'avoue là que c'est plus de travail que je pensais. Les gars m'avaient averti, mais je me fais souvent beaucoup confiance, puis je fais souvent beaucoup confiance aux médias sociaux. Oui, pour une première édition, c'est difficile pour la simple et unique raison que la date est une date qui est difficile. Parce que moi, les contacts que j'ai, c'est surtout dans le monde du hockey, dans le monde du sport. J'ai beaucoup, beaucoup d'étudiants puis de joueurs de hockey qui me suivent et qui participent à mes affaires. Donc là, la contrainte que j'avais, évidemment, c'était la date parce que le hockey est commencé, parce que l'école est commencée, les petits gars sont partis à l'extérieur, les gars ont des matchs les fins de semaine. Donc oui, il faut travailler doublement, faut travailler deux fois plus fort et c'est ce qu'on a fait. On s'est associé aussi avec une belle gang, les événements La Pointe, cette belle famille La Pointe là, qui était propriétaire du Folie Bar auparavant, qui organise des parties là, dans des endroits différents. Donc c'est eux qui vont avoir le mandat d'amener beaucoup d'énergie au tournoi de golf samedi. Donc ça c'était quelque chose qui était très important pour moi. Jonathan m'a aidé beaucoup là pour la classe qui va viser les membres du club de golf Saint-Prime. Ceux qui sont déjà membres vont avoir une classe à eux uniquement, donc avec une bourse. Puis évidemment, je vais pas tirer plein de linge, plein de linge UH à travers tout ça. Mais je m'attends à une belle première édition. L'an prochain sera une édition qui sera encore plus grosse. Ça va revenir annuellement. Donc là, faut juste bâcler la première édition pour... Mais là, c'est une leçon parce que tu dis la date est pas facile. Gilles, est-ce que je sais que le calendrier est quand même très occupé, le terrain de golf est surutilisé l'été, mais est-ce qu'il y aurait moyen de changer la date? Parce que c'est sûr que Will, ses contacts, il vient de le dire, c'est le hockey, puis le sport, puis le 26 septembre, pas évident. Est-ce qu'il y aurait moyen de changer? Est-ce qu'il y aurait de la place pour, je sais pas, moi, faire ça début juin, tiens? Ben, définitivement, il y a toujours un peu de place pour des tournois de cette envergure, parce que pour nous, avec André, avec la belle association qu'on a eue, disons que c'est un tournoi qui est très important. Et oui, effectivement, là, il y a de la place pour au mois de juin, ou soit au mois d'août, pour représenter cette... Well, juin, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant? Non, on visait beaucoup, on avait parlé, moi, Gilles et Jonathan, puis on visait beaucoup le début. OK. Parce que c'est une période où les joueurs d'hockey recommencent à se mettre en forme, reviennent à la vie, si on veut. Là. parce que évidemment on les sollicite beaucoup pendant l'hiver, pendant le printemps aussi. Donc les gars ont une genre de période de récupération et après ça recommencent leur entraînement et reviennent un peu là dans la vie de tous les jours. Donc moi je pense que c'est une date qui serait intéressante parce que avec tous les contacts que j'ai, toutes les équipes que j'habille, ben, je pourrais même là faire venir les équipes complètes à la classique. C'est mon objectif dans le futur. Écoute, c'était la première édition, c'était la première fois où j'organisais une classique de golf. Les gars avaient cette date-là disponible. Je me suis dit, OK, on y va comme ça, première édition, avec des gens un peu plus locaux. Là. On va viser plus la population. Tu sais, je m'adresse surtout aux équipes junior 2A, midget 2B, même les équipes midget plus basses, le Bantam de Robertval, la nouvelle équipe junior 2A de Robertval. C'est sûr qu'au départ, on visait ces équipes-là. Il n'y a pas un immense intérêt à ma grande surprise. Moi, je pensais que tout le monde allait plonger tête première dans cette invitation-là, mais les camps sont recommencés. On a plus la tête au hockey qu'au golf. Alors que, au contraire, tu sais, c'est une dernière chance peut-être cette saison de jouer un beau tournoi de golf, le fun, compétitif, avec une belle température. À mon humble avis, la température idéale pour jouer au golf. Donc, c'est sûr qu'on est un petit peu déçu de la réponse de certaines équipes, de certains joueurs de hockey. Mais je suis persuadé, là, Danny, qu'on va avoir un très bel Donc, événement. Ça commence samedi matin, c'est ça? Oui, samedi matin, ça commence à partir de 10h. Et il en coûte combien? Pour la catégorie des membres que je te parlais avec Jonathan, c'est 30$. Okay. Évidemment, ça comprend le golf et puis ça comprend le souper soirée. En plus d'avoir la chance de remporter là, la bourse, c'est un 4 balles meilleure balle, donc les 4 gagnants remportent un hoodie, ça c'est assez plaisant pour eux. Et puis dans la classe que moi je m'occupe, l'autre classe qui est non-membre, c'est 200$ par foursome. Ça comprend évidemment le golf, le souper, la soirée, ça comprend une bière, ça comprend des prix de présence, et puis évidemment le foursome gagnant, eux aussi remportent 4 hoodies, donc 8 hoodies à faire tirer au total là, à remettre aux gagnants. En plus d'un concours de le fameux Longest Drive, là, le plus gros cogneur qui va se dérouler sur le troisième trou. Et le Near to the Pin, là, le fameux concours de par 3 le plus proche de la pin, il y aura des prix de présence. OK. Donc, Will, un gros merci. On s'en parle pour d'autres circonstances pour le tournoi évidemment, pour parler de la saison de la Ligue de hockey Jean-Marie du Québec qui commence, qui bat son plein depuis 2 semaines. Donc, on se rappelle un autre tantôt. Merci, Danny. Merci à toi. Gilles reste là. Après la pause, c'est la chronique régulière du club de golf de Saint-Prime. L'Intermarché Florent Lachance de Saint-Prime a tout ce qu'il vous faut pour profiter de l'été au maximum. Un département des viandes de qualité supérieure, supervisé par des maîtres bouchers à l'écoute de vos moindres exigences. Des fruits et légumes gorgés de saveurs à des prix compétitifs et un comptoir de mets cuisinés qui charme les palais les plus fins. L'Intermarché Florent Lachance, agent autorisé SAQ, est fier de commanditer la chronique du club de golf Saint-Prime sur le lac Saint-Jean et souhaite une bonne saison à tous. On est de retour à danradiosport.com. On vient de parler avec André Ouellet de UH Clothing. Maintenant, évidemment, c'est la chronique régulière du club de golf de Saint-Prime. Salut, Gilles! Salut, je te dirais. Hey, Gilles, Coupe Rider en fin de semaine. Comme on pourrait dire, vous les avez torchés. Ben, disons que les résultats sont assez étonnants. Oui. Ça a terminé de mémoire 17,5 à 17,5. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a plusieurs parties qui se sont terminées au dernier tour. Okay. Le pointage n'indique pas vraiment le niveau de compétition qu'on a eu. C'était très serré pour avoir circulé et s'informer où est-ce qu'on s'était rendu au niveau du déroulement des parties. La compétition était quand même assez féroce. Le pointage aurait pu être un peu plus serré. Sauf que le club de golf de Saint-Prime a gagné. Et disons qu'on a eu, c'était une journée tout à fait extraordinaire avec nos amis de toujours. Ben oui. Autre chose à mentionner peut-être, c'est sûr que ça va être de retour la Coupe Rider l'an prochain. Je pense que c'est une bonne idée. Du moins, j'espère que vous allez refaire cette édition-là. J'imagine que ça va être à Dolbeau ce coup-là. C'est clair. Nos amis de Dolbeau nous ont dit parce qu'on a terminé ça avec un souper dans une franche camaraderie. Ils nous ont dit l'an prochain, vous venez chez nous, puis on vous assure que nous. Ah, ça, ça va être. Alors, le défi. OK. Autre chose à mentionner, peut-être? Par rapport à la. Non, sur le club. Oui, je peux mentionner qu'on a eu, je crois que c'est un record de la part d'une joueuse au niveau physique. OK. Nathalie Kertness, le week-end dernier, a joué 60 points pour un pointage premier 9, 36, deuxième 31, et elle a fait 8 birdies. 8 birdies! C'était tout à fait exceptionnel. On sait que c'est la championne 2A ici, et mais le pointage de 67 est drôlement... on l'a félicité, tout le monde l'a félicité, on l'a célébré, puis c'est assez... on est ravis d'une telle performance. Mais le club, historiquement parlant, n'en tient pas de statistiques, de records, le record du club, et ainsi de suite. Oui, vous le tenez? Oui. Donc, vous dites que c'est un record actuellement, c'est ça? Vous pensez que c'est un record ça fait le club, quoi, 51 ans? Vous pensez que ça fait 51 ans, c'était le record du club? Bien, on prend de l'information que ça s'est passé depuis dimanche dernier. J'ai pas eu d'avis contraire. Alors, je profite des ondes à savoir s'il y a quelqu'un, un membre féminin qui a déjà joué en deçà de 67 de nous le communiquer. Mais nous, ce qu'on a actuellement, c'est ce record-là. Et pour ce qui est du côté masculin, c'est Kevin Fortin-Simard qui a joué 64. Et le record pour le deuxième neuf appartient à Rémi Kertness et le week-end dernier, Nathalie Kertness. Avec un travail. Okay. Bon, en parlant de statistiques, de performance, c'est-tu moi ou me semble qu'il n'y a pas eu de trou d'un coup, c'est un autre club de golf de Saint-Prime? Ben, tu fais bien de m'en parler parce que la semaine dernière, on a eu. Ah, OK. Monsieur Michel Genet qui a réussi un trou d'un coup au trou numéro 6. C'est un trou numéro 3 qui est très difficile. Et je crois que cette année, c'était le... Ah, OK. Oui, alors oui, à chaque année, là, on a un lot de trous. Donc, M. Genet. Oui, Michel Genet. Okay. Il a d'ailleurs été membre à Dolbeau, si ma mémoire est bonne, il y a 2 ou 3 ans. Au tour numéro 6. Oui. Donc, on rappelle évidemment la classique UH Clothing. Oui. Samedi soir. Samedi, c'est-à-dire? Et ce que je peux bonifier, c'est que nous, moi et Jonathan, on a des contacts au niveau de la région. On a fait quelques appels dans les clubs parce qu'on sait que pour la classe compétition, il y a des gens qui adorent en faire. Alors, on a commencé dès lundi et on aimerait ça réserver une belle surprise aussi à Monsieur André, considérant sa belle contribution puis le beau partenariat qu'on a eu. Alors, on va essayer de maximiser pour en faire un bon succès. On se reparle mardi prochain pour la chronique du club de golf. Merci beaucoup. Voilà, Gilles Larouche, le directeur général du club de golf de Saint-Prime.